Marseille, ta fête sur Radio Contact. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Il est 6h. Mais oui, mais non, ça vous le savez, évidemment, il est 6h. Gary est énervé. Vous avez donné l'heure ou quoi? Ah oui. Ben oui, voilà Gary. On a donné l'heure. On est des vieux diesel ce matin. Alors Pascal, il a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Pascal? T'as un petit bout. T'as un trop petit bout. Donc j'explique, j'ai un casque, mais le bout n'est pas bon. T'as un trop petit bout, c'est ça? Le bout est trop petit. Ah, mais voilà. J'ai la même chose. Le bout est trop petit. Que veux-tu? Qu'est-ce qu'on fait, Maria? Oui. Toi qui sais, qu'est-ce qu'on fait quand le bout est trop petit? Moi, c'est trop grand, donc. Demande à Gary, il a l'habitude. C'est dégueulasse. Dis, tu es superbe, Marianne. Merci. Écoute, de quel magasin formidable vient cette robe? Eh bien, écoute, c'est Zara. Zara. Voilà, c'est tout. On les salue, on leur fait un bisou et on attend le bon de réduction, bien évidemment. Bah, non, jamais chez eux. Non, jamais non. Chez eux. Non, ben voilà. Oui, alors je m'attendais à ce que vous moquiez de moi en disant la tapisserie tout. Et tout. Non, mais, c'est ravissant. Bah, écoutez, ça va. C'est ravissant et en plus sur ce petit corps de DS, ça va super bien. Écoute, voilà, pour moi, on peut commencer l'émission. Voilà qui démarre bien. Aurélie, comme hier, l'infotrafic. On va essayer, Picobello. Ouais, hier 6h15. Oui. C'était Picobello avec des petits mots nouveaux. Oui. Non, vraiment comme embouteillage, comme des mots très longs parfois même. C'était embouteillage, elle a quand même dit souvent dans l'infotrafic. Ouais, ouais, mais. Il y en avait d'autres. On ne se souvient pas. Nathanaël Poli. Je suis content de vous voir. Comment va-t-il? Mais ça va, et vous? Je vais y aller, moi. Mais non, mais en plus, elle est toute bronzée et tout. Mais oui, elle est superbe. Ravissante. Oh, mais enfin, elle a le teint Chocotoff, on a envie de la croquer. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que j'appelle mon petit garçon, Chocotoff. C'est mignon. Ouais. Toi, t'as bien bossé cet été, apparemment. Ouais, pas mal, ouais. Oui. Quoi, j'ai une sale tête, c'est ça? Non, tu es un peu cerné, tout ça. Non, une petite praline glacée. Sympa, c'est bon aussi, ça. Ah, oui. Bon, on est parti jusqu'à 10h avec plein de bonnes choses. Le top 3 des auditeurs, ce sera dans les prochaines minutes. Et c'est l'émission d'hier. On s'en souvient de l'émission d'hier. On en reparlera tout à l'heure. C'est parti. Contact News. À 6h02, Nathanaël Poli, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. L'info est tombée hier en fin de journée. Le corps sans vie d'Anthony a été repêché dans la Sambre. L'enfant de 8 ans était tombé d'un bateau de plaisance samedi soir à l'Aube. Alain Remu, le chef de la cellule des personnes disparues à la police fédérale. Après 2 jours de fouilles ici dans la Sambre, on a eu l'occasion de localiser le corps d'Anthony. C'était vers 15h15 quand il a été détecté par le sonar de l'équipe technique de la police de la navigation de la police fédérale. Et ensuite, le corps a été récupéré par un plongeur de la protection civile des Gisnets. On a mis les parents au courant et avec ça se termine 2 jours de fouilles intensives ici dans l'Aube. Une instruction a été ouverte pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. L'enquête se poursuit également après l'incendie volontaire à l'Institut national de criminalistique et de criminologie à Neder-Overumbeek. Les 5 personnes arrêtées à proximité ont été remises en liberté. Différents experts sont descendus sur place hier après-midi, mais le parquet ne fait pas plus de commentaires pour l'instant. Il n'y aurait pas eu de départ depuis la Belgique vers la Syrie cette année. C'est ce qu'affirme le procureur fédéral dans la Libre Belgique. Frédéric Vanleu estime à environ 270 le nombre de djihadistes belges encore présents en Irak et en Syrie. Ils ont fait connaissance et les Diables Rouges ont participé hier après-midi au premier entraînement donné par le nouveau sélectionneur Roberto Martinez. Ils étaient 25 sur la pelouse de Nerped. Alors que pensent les joueurs de ce nouveau coach? Réponse de l'attaquant d'Ivo Corrigui. C'est un très grand coach. Il a travaillé à Everton, il a fait un bon travail là-bas, même avant. Donc ça prouve qu'on a une très bonne équipe et qu'on peut espérer faire des très bonnes choses dans le futur. Là, ça reste à voir comment il va travailler avec nous exactement, mais je crois c'est sûr qu'il a un projet avec nous. Donc le plus important, c'est pas ce qu'on a fait avant, c'est ce qu'on va faire. Je suis sûr que c'est la bonne personne pour nous et qui va nous faire progresser. La Belgique affronte l'Espagne jeudi en match amical avant de se rendre à Chypre le 6 septembre en qualification pour la Coupe du Monde. Un transfert justement chez les Diables, Nasser Chadli quitte Tottenham. Le joueur de 27 ans rejoint pour 4 saisons un autre club anglais, West Bromwich Albion. Enfin en tennis, qualification d'un Belge sur 3 hier au premier tour de l'US Open. Steve Darcy a réalisé un retour héroïque face à l'Australien Thompson. Le Liégeois s'est imposé en 5-7 après avoir sauvé 2 deux balles de match. Elise Mertens et Alison Van Uytvanck, par contre, ont été éliminées. Aujourd'hui, trois autres Belges entrent en lice, Goffin, Flipkens et Wickmeyer. 10h passé de 5 minutes, c'est Radio Contact, le Good Morning, jusqu'à 10h, Amir arrive. Avec J'ai cherché. Depuis le temps. C'est vrai. Le soleil, est-ce qu'on va le trouver aujourd'hui? Alors ce matin, d'abord quelques brumes par endroit, mais on va vite les oublier, car ensuite le temps deviendra ensoleillé partout et les maxima oscilleront aujourd'hui entre 20 et 25 degrés. Trop cool, ça va faire du bien. Merci Nathanaël. À tout à l'heure. Prochain Contact News à 6h30 sur Radio Contact. On repart en musique avec Amir. J'ai cherché comme promis. Il y aura tout à l'heure avec Final Song. Ah la vache. En concert le 3 octobre à l'ancienne Belgique. C'est à Bruxelles et tout va bien. Ouais. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donner l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Partager en deux hémisphères comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer. J'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Radio Contact dans le Good Morning. Amir, j'ai cherché. Le replay. C'est ce qui s'est passé hier. Alors sache que Olivier, ma maman, est à l'écoute hier. Oui. Elle m'a dit, mais c'est complètement inédit ce que vous avez fait. Hein. Et sympathique, en plus. Avec cet accent-là. Et inédit. Non. Ce n'est pas celui-là. C'était inédit. Je la retrouve. Et voilà. sympathique. Et il nous a souhaité une bonne rentrée sur Facebook. Un petit commentaire de la vidéo, de la rentrée. Oh, c'est gentil, franchement. Elle nous aime. Ça en fait une. C'est déjà ça. Hier, on était bien sûr à Spa pour le plus grand petit déjeuner feel good. On s'est bien amusé avec 500 génial. Personnes. C'était magnifique. Ah, c'était très, très beau. Et franchement, un bel événement, une belle manière de redémarrer la saison. Vous avez loupé ça?

L'info insolite. J'attendais le... Non. Non. Pas cette fois-ci. Pas tout le temps. Non, il faut surprendre l'auditeur. Ah non, il faut savoir surprendre absolument. L'autre, oui. Tout à l'heure, nous écoutons... Créer la surprise, Henri Péfer. Henri Péfer, très sympa. C'est du Belge. Il était d'ailleurs de passage dans la Villa Radio Contact cet été. On en a beaucoup parlé. 6 heures passées de 20 minutes. Une info insolite qui nous emmène en Californie. Ouais, cool. Ouais. Connaissez-vous Laura Izumikawa? Mais non. Laura Izumikawa est photographe et en ce moment, elle fait le buzz sur la toile avec ses photos. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est les photos qui sont spéciales, forcément. Les photos sont spéciales, oui, oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'elle prend en photo qui est particulier? Oui, on peut le dire, oui. Alors, est-ce qu'il s'agit d'êtres humains? Il s'agit d'êtres humains, absolument. Elle-même? Ce n'est pas elle-même, non. Des sosies à elle? Non, pas de sosies. Des nains? Pas de nains. Pourquoi, attends, pourquoi est-ce que tu penses à des nains? Bah, ça, c'est original. Oui. Faut bien cadrer, quoi. Non, c'est pas des nains. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait. Donc, ce sont des êtres humains. Ouais, ils ont un membre de sa famille qu'elle prend en photo. Un membre. Ah, son bébé. Oui, son bébé. Ah oui, et elle fait. Elle, pendant que l'enfant dort, elle le déguise. Bonne réponse. Effectivement. Son bébé, sa petite Joey qui a 4 mois, chaque fois qu'elle dort, elle la déguise. Ouais. Et elle la déguise vraiment super bien. Et donc, ça donne des résultats absolument hallucinants, très très drôles. Et elle la déguise en Pikachu, en magicienne, en Sangoku, encore en touriste hawaïenne. C'est vraiment très très drôle. Évidemment, on ne connaît pas encore la vie de la principale intéressée, à savoir le bébé. Une fois qu'elle sera grande, que va-t-elle penser de tout ça? On sera plus là pour l'entendre. Alors, pourquoi fait-elle ça? Elle rappelle qu'être parent, c'est aussi avoir des moments de plaisir avec ses enfants et de ne pas trop prendre la parentalité avec trop de gravité, un peu de légèreté dans ce monde évidemment. De brut, ça ne fait pas de mal. Bonne réponse de Maria Delerre. Merci, merci beaucoup. Wow. Merci. Henri Péfer, comme promis avec ce sera dans le top 3, ça. Je sais pas, faut demander à JC. Il est où, JC? Il est pas encore là? Pas encore. Il est pas encore là, il fait dodo. Henri Péfer, comme promis, voici. Et puis tout à l'heure, le meilleur de Géraldine, ce sera à 6h40 sur Radio Contact dans le Good Morning, bon réveil. C'est du Belge, Home sur Radio Contact, 6h24. Avant 7h, comme promis, il y aura donc le meilleur de Géraldine. On écoutera JC, il paraît qu'il vient d'arriver. Ça sonne déjà au centre des appels. Et puis l'horoscope de Patricia Millis. Ah, Kongs sont toujours là, tiens, avec This Girl. C'est pour nous emmener jusqu'au Contact News de 6h30 avec Nathanaël Poli. Bonne matinée, bon réveil. Hey.

Songs sur Radio Contact, This Girl. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. Contact News. Il est 6h31, c'est Nathanaël Poli qui est là. Bonjour Nathanaël. Bonjour Maria, bonjour à tous. Ce constat tout d'abord à l'approche de la rentrée scolaire. Dormir aide les enfants à mémoriser, c'est ce que révèle une étude de l'ULB menée par deux chercheurs sur une trentaine d'enfants d'une dizaine d'années. Conclusion donc, Pascal Ourmand, la sieste renforce l'apprentissage. Amandine a 7 ans, pour elle la sieste est une perte de temps. Ça va autre chose. Et pourtant la sieste est un allié précieux pour l'apprentissage. Pour preuve, des enfants ont été invités à regarder des objets imaginaires et à apprendre leur définition. Après, les uns ont fait une sieste d'une heure et demie, les autres pas. Philippe Peigneux, directeur de recherche. On sait que normalement, quand on fait un nouvel apprentissage, ces apprentissages sont stockés dans une région de notre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et ensuite, avec le temps, l'information se transfère progressivement vers d'autres régions du cerveau, ce qui lui permet d'être plus durablement stocké. Ici, ce qu'on a vu chez l'enfant, c'est qu'après une heure et demie de sieste, le processus s'est déjà entamé. L'information passe donc plus rapidement de la mémoire à court terme à celle à long terme. Et cet effet serait plus prononcé chez les enfants que chez les adultes. Chez l'enfant, il y a beaucoup plus de sommeil, un sommeil plus profond aussi, donc qui probablement qualitativement supporte mieux également l'intégration d'apprentissage. Pour lui, donner l'opportunité aux enfants de faire une sieste à l'école serait parfait. 24 heures après l'incendie à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie à Bruxelles, personne n'a été placé sous mandat d'arrêt pour l'instant. Les 5 suspects arrêtés ont été libérés. De nombreuses questions se posent, notamment concernant la sécurité. Le bâtiment n'était pas surveillé, alors que beaucoup de preuves et d'informations importantes pour la justice y sont analysées. Rencontre des patrons et des syndicats hier, le groupe des 10 poursuit ses discussions sur la réforme du travail. Les discussions ont avancé sans aboutir à un accord. 6500 migrants secourus hier au large de la Libye par les gardes-côtes italiens. C'est l'une des journées les plus chargées de ces dernières années en Méditerranée. Et les gardes-côtes redoutent une nouvelle affluence record aujourd'hui, notamment au vu des conditions climatiques favorables. Il était attendu par beaucoup de journalistes hier à Nerpède pour le premier entraînement des Diables Rouges avec leur nouveau staff. Thierry Henry, l'ancien attaquant et désormais adjoint de Roberto Martinez, un grand nom du football avec qui les joueurs sont impatients de travailler. Steven Defour. C'est quelqu'un qui est mondialement connu, tout le monde le respecte et qui vient travailler dans le staff ou de ton équipe nationale. Ça fait plaisir. Pour les attaquants, ça doit être une expérience unique. C'est quelqu'un qui sait comment gagner des trophées. Et c'est ça qui peut être très important, qui sait comment fonctionne un groupe qui gagne, qui gagne beaucoup de trophées. Donc il peut nous donner cette expérience. Les Diables s'entraînent à nouveau à 11h, toujours à Nerpède, un entraînement qui se déroulera à huis clos. Ils affronteront l'Espagne en amical jeudi. Enfin, Morane annule tous ses concerts. La chanteuse belge a subi une opération des cordes vocales en mai dernier suite à la présence d'un œdème. Elle doit prolonger son temps de rééducation pour pouvoir retrouver toutes ses capacités vocales, ce qui devrait prendre encore plusieurs mois. Parfait pour toute la famille. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Quand c'est nouveau et c'est bien pensé, c'est chez Vandenborg. Vandenborg. 6h35, on l'attend avec impatience, c'est le soleil. Oui, un temps généralement ensoleillé aujourd'hui avec juste quelques cumulus de beau temps pour cette belle journée. Les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés. Le temps sera toujours ensoleillé et sec demain. C'est noté, merci beaucoup Nathanaël. Rendez-vous à 7h pour le prochain Contact News. Et là tout de suite, retour en 2002 avant de retrouver le meilleur de Géraldine. C'est là que nous attend Enrique Iglesias avec Escape. Bon réveil. 6h-10h, c'est le Good Morning sur Radio Contact. Cause love is something you can't shake. takes is some trying. Excusez-moi, c'est parce qu'on était en train de regarder sur Contact Vision, Radio Contact Vision, en télévision, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Le clip, c'est très très chaud, donc clairement ils sont en train de faire l'amour pratiquement. Et on se demandait si c'était bien sa nana, Anna. Anna Kournikova, absolument, c'est elle. Eh bien c'est chaud, hein. En même temps, il peut se le permettre si c'est elle. Mais c'est chaud quand même. Oui, c'est vrai. Dites, Aurélio revient bientôt, Géraldine. Absolument, Géraldine. Qui c'est qui, Aurélio? Quoi, il vient, lui. Alors, on se pose souvent la question. Ouais. Qui est Géraldine? Géraldine était interprétée. Ben, c'est Aurélio. C'est pas Aurélio. Voilà. Géraldine est toujours en vacances. Quand Géraldine reviendra-t-elle? Aux alentours du 20 septembre, apparemment, son vol de retour est prévu. C'est ça. Et donc, en attendant, on écoute le meilleur de Géraldine, qu'on appelle également Aurélio. The best. The best. The best of Géraldine. La chronique de Géraldine. Salut GG. Coucou Lolo. Coucou GG. Coucou maman. Bonjour Maria. Bonjour Olivier. Ce matin, c'est une chère. Comment? Rien. Bisous. Bisous grand fou. Bah, ce matin, c'est une Géraldine qui en a ras le chaudron, qui prend l'antenne devant ce gros micro bleu bourré de microbes et d'odeurs de vieille haleine fétide. Mais oui, Maria et Olivier, figurez-vous que j'ai dû exceptionnellement emprunter le réseau ferroviaire belge, plus communément appelé SNCB, afin de me rendre dans cette superbe ville bétonnée et éternellement en travaux, Charleroi. Et donc, oui, je me rends toute pimpante à la gare. Et déjà, cette superbe SNCB annonce un retard de 15 minutes. Je vous avoue, Maria et Olivier, que j'avais déjà envie de marcher moi-même le long des voies ferroviaires, étant à peu près certaine d'arriver à Charleroi avant le train en question. Mais ayant mis mes superbes louboutins, je pouvais pas marcher dans ce gravier épais, Maria. Le train arrive enfin, et parce que la SNCB est très heureuse de l'achat de ses nouveaux trains, elle décide de mettre en service à une heure de très grande affluence un vieux train qui fonctionne peut-être encore au charbon et à la vapeur. Mais bref, Olivier, je monte dans le wagon, poussé par des fonctionnaires gris délavés, pressés de rentrer chez eux après une journée harassante de travail, laissant comme trace sous leurs bras de larges auréoles jaunies et comme odeur un fumet digne d'une soupe d'oignons croûtons en bocal ayant surri au soleil, Maria. Mais j'étais à deux doigts de la nausée, évidemment, et là, Maria et Olivier, figurez-vous que le train s'arrête en pleine rase campagne. Après 15 minutes de non-assistance à personne en danger, tout d'un coup, on annonce à la SNCB qui nous dit « Madame, monsieur, suite à une panne dans l'appareil locomoteur, nous sommes arrêtés pour une durée indéterminée. » Mais cette annonce ne fit que raviver la flamme de colère autour de moi. Bon, de mon côté, Olivier, je tentais de me rendre plus vieille que je parais, afin qu'une âme charitable me cède une place assise, mais je pouvais toujours danser sur ma tête. En effet, j'étais pas assez loin dans la déchéance physique et mentale de la vieillesse pour que quelqu'un ait pitié de moi. Et alors, pompon sur le toupet, Maria. Oui, pompon sur le toupet. Un nouveau-né se mit à nous chanter ses plus beaux pleurs durant le reste du trajet. Heureusement pour nous, la mère de l'enfant a eu cette superbe idée de discrètement sortir un bout de sein afin de nourrir l'heureux beuglard. Je suis enfin arrivé à la gare de Charleroi Sud. Je suis descendu de ce train aussi lessivé que sale. Moi aussi, j'étais devenu une sorte de vieux chou fripé sentant la choucroute avariée. Je me décide alors de m'asseoir un instant sur un vieux banc de la gare afin de reprendre mon souffle quand tout d'un coup, un jeune nigaud glisse dans ma main une pièce de 2 euros en me disant « Tenez, ma petite vieille, pour aller vous payer un café au panneau de la gare. » Mais je voulais lui rétorquer une phrase assassine, évidemment. Mais à ce moment-là, Maria et Olivier

des airs avec Zaz sur Radio Contact demain de bon matin. Elle est là toujours aussi de bon matin et j'adore cette transition, avouez qu'elle est excellente. C'est vrai. Elle n'était pas compliquée. Non, terrible. Voilà. Merci Gary. Il est 6h52, Patricia Milis avec l'horoscope. Bonjour Patricia. Bonjour. Bélier, Vénus dans le secteur du couple rend les relations plus douces et plus tendres. L'amour est au rendez-vous. Taureau, si vous évoluez dans un secteur créatif ou artistique, attendez-vous à recevoir des félicitations. Gémeaux, votre secteur amour s'emballe, de nouvelles ouvertures se dessinent dans votre vie affective. Cancer, si vous aimez le jardinage, la journée s'y prête bien. Vous avez la main verte aujourd'hui. Lion, c'est douceur et tendresse au niveau du dialogue. Avec de belles paroles, vous obtenez tout ce que vous désirez. Vierge, les achats se font tout en douceur. Vous êtes toutefois attiré par les objets de luxe. Balance, l'arrivée de Vénus dans votre signe jusqu'au 23 septembre augmente les chances de rencontre. Scorpion, vous vous montrez très discret sur le plan amoureux. Pas question de divulguer trop rapidement vos sentiments. Sagittaire, vous pouvez compter sur le soutien de vos amis, ils se montrent très attentionnés à votre égard. Capricorne, vous ajoutez une touche créative à votre boulot et cela plaît à votre direction. Continuez sur votre lancée. Verseau, un petit voyage de dernière minute, vous êtes prêt à toutes les extravagances pour vous sentir dépaysé. Poisson, petite dépense de dernière minute pour ceux que vous affectionnez, vous adorez offrir. Très belle journée à tous. Merci Patricia, à toi aussi. Votre horoscope, quand vous le souhaitez, c'est sur radiocontact.be, 6h54. On repart en musique avec Milo, Howling at the Moon. Bonne journée tout le monde. Construction Jean-Pierre et fils, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour rajouter une 10e boule à l'atomium. Très bien. Pour la semaine prochaine. Pas de problème. Si. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Il y a des matins... T'as ton cartable ? Check. Ta boîte à tartines ? Oh, check. Et ton CCML ? Double check. Qui ne changeront jamais. Oh, t'as tes clés ? Check. Ton ordi ? Check. Et ton CCML ? Double check. CCML, à savourer à tout moment, en route ou pendant votre pause. Gaëtan, tous les jours dès 10h sur Radio Contact. Madonna qui vient à peine d'achever son Rebel Hair Tour, qui lui a permis d'ailleurs de battre le record de l'artiste la plus rentable. Ah bah elle a déjà des nouveaux projets dans les cartons, hein. Ouais, ça c'est certain. Après plus d'un milliard de recettes récoltées pour l'ensemble de ses tournées. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Le matin sur Radio Contact, c'est Maria Del Rio qui vous réveille à sa manière. Maria Del Rio est là tous les matins, enfin presque. Et c'est dans le Good Morning de 6h à 10h. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. time. Take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, a dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Oh, howling at the moon. Milo sur Radio Contact, Howling at the Moon. Radio Contact. Bonjour tout le monde, il est 7h. Radio Contact. Contact News. Avec ce matin, Nathanaël Poli. Bonjour Nathanaël. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ils décollent ce matin pour vivre une expérience unique dans leur vie. 80 jeunes s'envolent pour le Canada. Ils participent au programme d'échange linguistique du WEP, le World Education Programme. Ils vont donc faire leur rentrée scolaire à l'étranger. Décollage prévu à 10h45. Pascal Ourmand. Martin, 15 ans, attend son avion avec impatience. Il va débuter sa 4e secondaire à North Vancouver. Il part pendant 5 mois. Un des buts principaux est d'apprendre l'anglais et après, oui, de découvrir le monde, savoir me débrouiller par moi-même. Cela dit, il est un peu stressé. J'ai très peur justement de ne pas comprendre et de ne pas être compris. Donc oui, me retrouver seul, être perdu. Mais il en est certain, ce sera un sacré plus pour son avenir. Comme lui, 150 jeunes ont décidé de partir pendant leur secondaire cette année et non après leur réto. C'est 50% de plus que l'an dernier, un succès dû notamment au plan Expedis lancé il y a 5 ans par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Adrien Buntings du WEP. Qui permet justement aux jeunes de partir dès la 3e pendant, ça peut être quelques mois, un semestre ou l'année, et à leur retour, sous condition évidemment, le faire valider ici dans leurs études en Belgique. Autre tendance, près d'un participant sur 8 opte pour une année multilingue. Ah, donc ils vont combiner sur une année de temps deux semestres dans deux pays différents pour deux langues différentes. Au total, cet été, quelques 560 jeunes seront partis grâce à ce programme. Issue dramatique pour le petit Anthony, le corps sans vie de l'enfant de 8 ans a été repêché dans la Sambre hier après-midi. Il était tombé d'un bateau de plaisance samedi soir à l'aube. Son corps a été localisé à l'aide d'un sonar. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de ce drame. L'enquête se poursuit aussi après l'incendie volontaire à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie à Neder-Overumbeek. Les 5 personnes arrêtées à proximité ont été remises en liberté. Un an après l'éclatement du Dieselgate, VOE semble attirer toujours autant de clients. Chez nous, en tout cas, le groupe D'Iteron, distributeur de la marque, a augmenté ses ventes de 7% au premier trimestre. Il a enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros. 3 Belges sur les cours de l'US Open aujourd'hui. Goffin, Flipkens et Wickmeyer disputent le premier tour du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Hier, sur 3 Belges en lice, un seul s'est qualifié, c'est Steve Darcy, qui affrontera au deuxième tour l'Américain John Isner, 21e joueur mondial. Elise Mertens et Alison Van Hooydonk ont été éliminés. Deux transferts en football, c'est confirmé. Sven Kühm se quitte la Gantoise. Il rejoint Watford en Angleterre, qui va le prêter cette saison à l'Udinese en Italie. Autre départ vers Watford, celui de Stefano Okaka. L'attaquant quitte donc Anderlecht. Il a signé pour 5 ans avec le club anglais. Enfin, Apple a envoyé ses invitations, toujours très attendues. Le groupe informatique présentera ses nouveaux produits le 7 septembre. Un nouveau modèle d'iPhone devrait notamment être présenté. Drake avec One Dance sur Radio Contact, ça arrive. Et à 7h passée de 3 minutes, on fait le point sur la météo. Alors d'abord un peu de brume ou de brouillard ce matin par endroit. Ensuite une journée ensoleillée pour tout le monde. Les maxima oscilleront aujourd'hui entre 20 et 25 degrés. C'est pas mal du tout, hein. C'est très bien même. L'été continue. Voilà. Il y avait de la brume ce matin quand je suis parti. Ouais. Et alors c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle flottait à 2 mètres du sol comme ça. Tu vois, et j'avais l'impression de passer en dessous. Et puis t'as nettoyé tes lunettes et c'est parti ou pas? Allez, 7h04, merci Nathanaël. Prochain Contact News. À tout à l'heure. Ce sera à 7h30. On va souffler des bougies dans un instant. En fait, ça vous arrange en fait. C'est quand ça vous arrange que vous êtes un petit peu là. C'est pour se moquer des gens en fait que vous êtes souvent connu. Oh, mais non, Gary, évidemment. Est-ce qu'on a déjà parlé de ces lunettes? Oui, hier. Si bien. Hier, mais aujourd'hui, on peut rajouter assez. La photo. Oui, c'est vrai. Ah, aujourd'hui, on te voit. On va vous faire une petite photo. Ah, oui. Une petite photo de Gary avec ses petites lunettes. Ouais. Il faut faire signer un papier d'abord, une décharge. Ouais. T'as cédé tous tes droits, non? Non. Non. La séquence anniversaire qui nous emmène dans un instant à Feluy. Ah, Feluy, c'est très bien. C'est voilà. Celui-là qu'on a choisi. Allez, merci Gary, à tout de suite. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. higher powers taking hold on me. Drake sur Radio Contact avec One Dance. 7h passées de 8 minutes, c'est le Good Morning jusqu'à 10h et tout va bien. Qu'est-ce qui se passe, Maria? Je ne pouvais pas revenir ici, de recommencer la rentrée sans vous exposer une petite VDM. Oui. Ça, c'est quand il y a trop de mots qui se mettent dans ma tête. Je veux tout dire en même temps, et alors du coup, il y a embouteillage comme ça, tu vois. Et mon cerveau ne pratique pas la tirette. Patience, prudence, c'est pas bonne passer route. Les mots. Mais non, mais les VDM de retour. Absolument, évidemment. Et j'imagine que tu as redoublé ton stock. Alors, d'abord, je voudrais répondre à cette question qui revient tout le temps. Que s'est-il passé quand tu es parti à Ibiza? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je n'en saurais jamais rien, étant donné que j'ai la poisse. Olivier, comme tu as d'ailleurs pu le constater hier encore, nous y reviendrons aussi. Ça sera une autre, oui. Mais donc, oui. Mais donc, c'est vrai que, voilà, je suis partie rejoindre l'équipe du 16-20 à Ibiza. J'étais partie pour 24 heures. Il faut savoir que moi, j'étais tout près, donc j'avais 36 minutes de vol pour y arriver. Ouais. Et puis je passe, mon checking était fait, je passe le premier checking, tout va bien, je passe au vert. Et puis au moment de l'embarquement, tout le monde passe, moi je me dis, voilà, je suis tranquille aussi. J'arrive, on check mon nom, non, il y a un petit souci, mettez-vous sur le côté. Déjà tu te sens super mal. Il dit, merde, tout le monde te regarde de travers. Et t'es là, tu fais, mais je vous jure, j'ai rien fait hein, les gars, j'ai rien fait. Enfin tu vois, il n'y a pas de souci quoi. Et tout le monde te regarde de travers comme en disant, qu'est-ce que t'as fait, tu vois. Comme si j'avais des poules dans ma poche que j'avais volées, j'en sais rien, un truc horrible. Et donc j'ai attendu tout le monde, on m'a laissé là comme une pauvre fille, et au final on m'a dit, vous n'êtes plus dans le listing. Ah, mais chouette. Vous a éliminé du truc. J'ai dit, mais comment se fait ce... Ah, mais non. Et donc, j'ai dû repartir comme une malpropre avec un garde de sécurité qui m'a raccompagnée jusqu'à la sortie. Donc, je suis retournée chez mes parents en Espagne qui n'en revenaient pas de me voir. Voilà. Et alors, autre chose, hier, nous sommes arrivés à l'hôtel puisque nous dormions à Spa. Absolument. Et tu as eu la honte de ta vie encore une fois parce que tu étais avec la fameuse voleuse de poules que je suis. Voilà. Qui n'avait pas ses papiers. Voilà. Donc, on arrive à l'hôtel avant-hier soir. Et alors, forcément, on arrive à l'hôtel, on demande la carte d'identité, hein. Pour noter tout ça. Maria, ah non, désolé, ça, j'ai pas un permis de conduire. Non, je l'ai pas non plus. J'ai pas une carte mutuelle. Non, je sais pas. Elle a rien en fait. Donc, j'ai expliqué à la dame. Elle a dit, j'ai ma carte de banque. J'ai ma carte de pharmacie aussi. Non, mais j'ai bien expliqué à madame que j'avais changé de sac. Mais oui, évidemment. Sac, bah, j'avais c'est changé normal. De portefeuille. Et dans l'autre portefeuille que j'avais que ma carte de banque, effectivement. Oui, voilà. Donc voilà. Est-ce que vous, en partant en vacances, il vous est déjà arrivé un truc improbable, invraisemblable? Moi, quand j'étais partie avec Aurélie, c'était la carte à Disney. C'était la carte pour rentrer dans la chambre qui n'allait pas. Il y a toujours quelque chose qui foire. Est-ce que vous, auditeurs, auditrices, quand vous partez en vacances, est-ce qu'il vous est déjà arrivé un truc à la dernière minute? Vous avez raté l'avion. L'avion n'a pas voulu de vous. La chambre. L'avion n'a pas voulu de vous. Oui. La vie n'a pas voulu de vous. Réagissez maintenant sur la page Facebook du Good Morning. Page Facebook du Good Morning. Vos VDM vacances. Ou alors au 66 91 par SMS. Allez-y. 7h passées de 11 minutes. On attend vos messages et on repart en musique. Avec David Guetta et Zara Larsson. This is the way you move. Ça, c'est du goodie, ça. This one's for you. C'est pas mal non plus. Comme ça va mieux. Bonne matinée, bon réveil. Le Good Morning est de retour. Ouais. Quand je surfe sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'Internet ultra rapide dans un trio Waouh ou Tatou. Pour la rentrée, vous offre 200€ de réduction. Connectez-vous à votre énorme réduction sur vous.be ou au 0800 825. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à condition. L'auto présente le mois de Waouh, le dénouement. La dernière semaine avant septembre. Le dernier tirage avec 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. On dirait que les coureurs semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet là pour tout le groupe d'échappés. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa, je peux prendre ta carte ? Mais dans tes rêves, ma chérie. Vous avez entre 18 et 28 ans? Découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Le Good Morning avec Maria et Olivier sur Radio Contact. David Guetta sur Radio Contact, this one's for you. L'infotrafic. Avec Aurélie. Il fait assez calme ce matin, mais il y a quand même des files à hauteur du carrefour Léonard sur la E411. Depuis Berthem sur la E40 qui vient de Liège, entre Alost et Ternat en venant de Gand. Sur le ring de Bruxelles, il n'y a pas de gros soucis, mais vous êtes quand même ralenti à hauteur de Waterloo vers le carrefour Léonard. De Grand Bigard à Jette vers Zaventem. Pas de changement sur la petite ceinture, il y a un véhicule en panne entre les tunnels Madou et Botanique vers la Basilique en voie de gauche. Le trafic est dense suite à des chantiers en province de Liège vers Cherat. Depuis Visé sur la E25 qui vient des Pays-Bas et depuis Barchamps sur la E40 en venant de Bâtisse. Merci Olay. Soyez patients, prudents, bonne route. Ah, Makeba, Makeba, Bella. Jane, Makeba. C'est dans la suite en musique sur Radio Contact pour vous réveiller ce matin. Les 24 heures karting à Spa-Francorchamps avec Radio Contact. Mais oui, ça se passe le week-end des 3 et 4 septembre où vont se dérouler donc les 24 heures de karting de Spa-Francorchamps. Il a tout dit le monsieur. Et Radio Contact sera évidemment de la partie. Vous êtes fan de karting et de compétition. Vous avez une expérience dans le domaine. Vous voulez participer à une expérience expérience exceptionnelle. Eh bien, inscrivez-vous maintenant sur radiocontact.be. Dites-nous quelles sont vos motivations et vous aurez peut-être la chance de rouler dans la team Radio Contact avec vos animateurs préférés pendant 24 heures. Ça va être vachement bien, on va bien s'amuser et on va gagner, cela va de soi. Les gagnants seront prévenus personnellement. Bonne chance! Jane avec Makeba sur Radio Contact, c'est tout de suite. Tu y seras toi, aux 24 heures. Aux 24 heures, absolument. Ah, j'y serai aussi. C'est vrai, oui. Toi aussi, Gary? Oui, je serai là. Oh mon Dieu. C'est bien. Ouais, on a prévu un rehausseur, donc il n'y aura pas de soucis. Oh, allez. Le siège auto. Non, des petites cartes. T'as pas des petites cartes pour des moi mini. Non, normalement, non. Dans la suite, il y aura Galantis également avec No Money, c'est vachement bien. Et puis tout à l'heure, n'oubliez pas Pablo Andrés, on a le personnage aujourd'hui. Oui. Ah oui, c'est Martin Luthier le Roi. Martin Luthier le Roi, de retour sur Radio Contact dans le Good Morning. Bonne matinée, bon réveil, tout va bien. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it feel like I gotta. Ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it feel like I gotta. Ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Beat the mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it feel like I gotta. Ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it feel like I gotta. Ooh, we make it bomb. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it feel like I gotta. Ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it feel like I gotta. Ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it feel like I gotta. Ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it feel like. 7h20, bonne matinée, bon réveil, Jane et Makeba sur Radio Contact. C'est pas qu'il ne sait rien faire d'autre. Allô ? Mais au standard, c'est le meilleur. N'inquiétez pas ! JC depuis le centre des appels du Good Morning. Oui, allô ? Oui, JC ! Allô ? Oui, je suis en direct ? Oui, oui, bien sûr ! Oui, JC depuis le centre des appels du Good Morning. C'est en ce qui concerne les nouvelles technologies. Oui, ouais. Très bien, oui, ça. On parle beaucoup des voitures sans chauffeur. Oui. Mais en fait, oui, ça existe déjà depuis longtemps, les gars. Hein. Ah bon ? Ah bah oui, quand on voit Maria conduire la sienne, on se demande vraiment s'il y a quelqu'un dedans. Allez, qu'est-ce que je vous ai fait ? J'ai une anecdote à ce sujet. Vous faites bien de le dire, JC. Oui. Quand on est allé à Charleroi la fois dernière, on avait rendez-vous sur place et il se fait que sur l'autoroute, je me retrouve à un moment donné derrière une voiture qui ressemble très fort à celle de Maria. Elle et figurez-vous que au comportement de la voiture, j'ai su que c'était Maria. C'est sérieux ? Et donc je l'appelle et je lui dis, c'est pas toi qui est devant moi ? Elle me dit, bah, oh bah si, coucou, coucou. Donc je l'avais repéré à 3 km, j'étais arrivé derrière la voiture de Maria, donc une voiture qui freine sans raison, qui se déporte sur la bande d'arrêt d'urgence, qui... Voilà. Oh, mais quel exagéré ! C'est pas encore au point, c'est pas encore au non, point. Non, vivement la voiture autonome pour Maria, voilà. Ici JZ depuis le son des appels à vous l'intelligence artificielle. Maria et Olivier, de 6h à 10h sur Radio Contact. Radio Contact. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. I ain't gonna run away. This time.

Marie et Olivier sont de retour sur Radio Contact. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Votre réveil vient de sonner, c'est Radio Contact. Good morning que vous écoutez avec le son de Mike Posner. Contact News. C'est à 7h30 avec Nathanaël Poli. Bonjour Nathanaël. Bonjour Maria, bonjour à tous. La rentrée des classes approche à grands pas. Reprise du chemin de l'école pour les élèves et les étudiants. Un chemin parfois dangereux. L'Institut belge pour la sécurité routière met en garde. Attention aux accidents de la route au début et surtout à la fin des cours. Ils sont 50% plus nombreux en fin de journée et encore plus lorsqu'on s'approche de la fin de la semaine, Corentin Simon. Le vendredi est le plus dangereux aux abords des écoles. 303 victimes le lundi matin, 515 le vendredi soir, c'est une augmentation de 70%. Deux explications pour les BSR, la fatigue et l'euphorie de la fin des cours. Autre moment dangereux, le mercredi midi, tous les enfants ou adolescents quittent l'école au même moment, ce qui engendre une densité de trafic importante et des interactions inhabituelles. Les accidents ne sont pas les mêmes dans les trois régions, en voiture pour 32% des Wallons, à pied pour 54% des Bruxellois et à vélo pour 47% des Flamands. Les conseils sont toujours les mêmes. Adaptez votre vitesse et garez-vous correctement en voiture. Si vous êtes piéton, attention à l'endroit de votre traversée et évitez de porter des écouteurs. Que voulait-il détruire ? Question qui se pose 24 heures après l'incendie à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie à Bruxelles. Les suspects arrêtés ont été libérés. La polémique enfle sur la sécurité des lieux. Le bâtiment n'était surveillé que par des caméras mais sans présence humaine sur place, alors que beaucoup de preuves et d'informations importantes pour la justice y sont analysées. 270, c'est le nombre de djihadistes belges encore en Syrie ou en Irak. Estimation du procureur fédéral qui s'exprime dans la Libre Belgique. Des djihadistes qui sont surtout partis en 2014 ou en 2015. Cette année, selon Frédéric Vanleu, il n'y aurait pas eu de départ depuis la Belgique vers la Syrie. Le procureur ajoute aussi que le nombre de personnes impliquées dans des dossiers de terrorisme se compte en centaines. Nouvelle journée de deuil national en Italie avec de nouvelles funérailles de victimes du séisme de la semaine dernière. Des funérailles solennelles qui se dérouleront fin de journée à Amatrice. C'est la localité la plus touchée avec plus de 230 morts sur les 290 victimes confirmées. Les drapeaux seront en berne dans tout le pays. Deuxième journée de l'US Open de tennis. David Goffin entre en lice. Premier match piège face au jeune américain Jared Donaldson. 19 ans et 122e à l'ATP. Il a déjà donné des sueurs froides à plusieurs joueurs cette saison. Mais le Liégeois a un objectif, être encore là en deuxième semaine et donc atteindre les huitièmes de finale. Mon meilleur résultat est troisième tour. Et si cette année, j'ai chaque fois fait minimum huitième. On va essayer de faire aussi bien sur ce objectif. Maintenant, quand on est top 15, on essaye d'aller le plus loin possible et on a des objectifs de résultats, mais je ne me focalise pas là-dessus, je fais match après match, j'essaie juste de me préparer, ça s'est super bien passé, comme je le fais à chaque fois avant les grands chelems. Et là, à nouveau, je me sens bien, donc on va essayer de continuer comme je l'ai fait dans les trois premiers grands chelems, en prenant match par match, en avançant le tableau, et puis on va commencer par Donaldson. Flipkens et Wickmeyer disputent aussi leur premier tour aujourd'hui. Hier, Elise Mertens et Alison Van Uytvanck ont été sortis. Steve Darcy s'est qualifié en battant l'Australien Thompson en 5-7. C'est l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoediscount.be. 7h passées de 34 minutes, on fait le point sur la météo. Oui, et il fera à nouveau plus chaud aujourd'hui avec des maxima compris entre 20 et 25 degrés. Le ciel sera bleu et ensoleillé avec juste quelques nuages par endroit. Merci. Quoi ça ? Qu'est-ce qu'elle nous fait encore ? Merci, Chi. Merci, Chi. Ah, ce sont mes origines qui remontent. Merci, Nathanaël. Merci beaucoup. Avec plaisir. Des excuses, vraiment des excuses. Ça, c'est terrible. 7h passées de 35 minutes. Prochain Contact News, ce sera en région à 8h. That we kept so well hidden, where there's no competition, and you render my condition. Don't improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, a fine line's between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. C'est nouveau ? Mélanie C. Bah, nouveau, nouveau, ça dépend par rapport à la formation du monde. Oui, c'était en 2000. Never be the same again. Waouh ! Il est le plus grand acteur de tous les temps. Oui, c'est moi. Il a tout appris à Jean Dujardin, DiCaprio et même les frères Taloche. Ils me doivent tout. Déroulons le tapis rouge pour Martin Luthier le roi. Bravo. Oui, chantez-moi. Je suis extraordinaire. Non. Oh, je peux en pousser. Tous les dieux, pourquoi ai-je passé de vacances idylliques à forniquer avec des hordes de babouins dans des bains de champagne au bord d'une plage de Dunkerque en Californie, pendant que Gary Moon restait enfermé dans les caves miteuses de Radio Contact en attendant désespérément qu'un rayon de soleil puisse combler la pâleur de son âme. Son âme à la dérive, telle une bouteille de vodka vide et sec et jetée à la mer par cet ivrogne de Maria Del Rio. Oui, je vis à la perfection Maria Del Rio. Un lundi matin dans la cafétéria de Grand. Le film Jason Bourne avec l'excellent Matt Damon. J'adore ce prénom, Matt. Avec le oui, c'est bon. Il est encore à l'affiche, Maria. Alors, c'est parti. Remake, plaisir, bonheur, moteur, action, ça tourne. Allez, hop, on y va. Pas que ça. Good Morning Pictures présente Martin Luthier le roi dans un remake inédit de Jason Bourne avec Matt Damon. Avec le... Tout à fait. Tout à fait. Jason Bourne a longtemps été un homme sans patrie, sans passé ni mémoire. Un conditionnement physique et mental extrême qui a fait de lui une machine à tuer, mais avec une mémoire de poisson rouge. Vous savez, Gwyneth, je suis un ex-tueur à gages de la CIA, mais je ne m'en rappelle pas. Mm-hmm. Mais alors comment vous savez que vous êtes un ex-tueur à gages ? Eh ben, je ne sais plus. Enfin, je m'en rappelle plus. Je sais que je m'en suis rappelé un jour. D'accord. Bon, ok, alors sinon, dans votre café, vous m'aviez dit un ou deux sucres ? Je m'en rappelle plus non plus. Ah, mais je vous en mets deux. De quoi ? Bah, de sucre. Pardon ? Dans votre café. Oh, c'est gentil, oui, je veux bien un petit café, ça c'est une bonne idée, tiens. Mais non, non, là, vous me l'aviez déjà demandé, le café, mais la question c'est combien de sucre ? Pour ? Pour votre café, nom de Dieu ! Mais je ne veux pas de sucre, mais je ne veux pas de café ! Mais foutez-moi la velle, on lui a dit que cette histoire ! Soudain, le machiavélique agent secret russe Piotr Garishki surgit et pointe une Kalachnikov sur Math et Gwyneth. Pardon, excusez-moi, je ne comprends pas bien le russe. Vous pouvez répéter. Rajdavana, il faut que je coupe Bogdan. Elle ne comprend pas. Deux sucres, c'est ça la question ? Ah oui, oui, c'est ça, je suis sûr que c'est ça. Oui, je veux deux sucres dans mon café, mon ami. Mais non, je disais, je t'ai enfin attrapé, maintenant je vais te tuer. Ah non. Mais enfin, et qui êtes-vous ? Mais je suis ton pire ennemi. Mon père ? Non, je suis ton pire ennemi. Papa, tu m'as tellement manqué. Oh, par contre, je ne me souvenais pas que t'avais cette gueule-là, dis donc. Je suis pas ton père, je veux ta peau. Eh oui, c'est ce que je vois, tu as une très vilaine peau. Hein ? Vraiment horrible. Hé, hey, Gwyneth ! Gwyneth, oui, venez voir, oui, je vous présente mon père. Voilà, oui, c'est lui là, l'homme à la vilaine peau. Ah oui, ah il est laid. Ah bah oui, il est très. Ah, ils sont fous, à l'aide. Oh nom de Dieu. Attends, refais-nous le quand tu pars. Ah, il est fou, à l'aide. Oh nom de Dieu, on y croit. Matt et Gwyneth pourront-ils faire quelque chose pour les problèmes cutanés de Piotr ? Matt va-t-il recouvrer la mémoire ? Prendra-t-il un ou deux sucres dans son café ? Tout cela et bien plus encore, vous le saurez dans le prochain épisode. Pablo Andrés et Martin Luthier le roi.

7h49, bonne matinée, bon réveil. L'infotrafic. Avec Aurélie. Alors ce matin, il y a des files depuis Jésus-Sec sur la E411, depuis Berthem sur la E40 qui vient de Liège, depuis Alost en venant de Gand entre Lembeek et Halle sur la E429. Sur le ring de Bruxelles, vous êtes ralenti sur la partie extérieure de Waterloo à Groenendaal vers Zaventem. Dans l'autre sens, de Grand-Bicard à Jette, le trafic est au pas de Wemmel à Villevoorde-Verteuren. Et puis attention, il y a des chantiers qui vous ralentissent ce matin sur la N25 de Genappe à Bouzeval vers Cours-Saint-Etienne. Et puis en province de Liège, vers Cherat depuis Vizé sur la E25 qui vient des Pays-Bas. Et depuis Barchamps sur la E40 en venant de Bâtisse. Merci ma bichette. Vous écoutez Radio Contact, bon réveil, patience, prudence et bonne route. Teddy Maro qui arrive avec Azé. Last night on Earth. Il chante bien. La BDM du jour. C'est l'histoire d'une fille qui a pas de bol. Ça c'est clair, oui. Pas de bol du tout là. Tellement vrai. Ouais. J'ai partagé avec vous mes petites VDM, donc de fait oui, j'ai raté l'avion. L'avion n'a pas voulu de moi quand je suis partie rejoindre le 16-20. Avant-hier, j'avais pas mes papiers pour aller à l'hôtel avec Olivier. Enfin bref, et vous êtes nombreux aussi à avoir des petites VDM comme ça. Émilie qui nous dit, mon ex avait aussi un petit peu la poisse et lors d'un voyage à New York, nous avions deux avions à prendre, plus deux retours. Il a eu un contrôle approfondi de ses affaires à chaque avion, chaque fois pour une raison différente. On a cru à chaque fois qu'on ne pouvait pas monter dedans. Oh là là. Ça c'est chiant quand même. C'est avoir le peur de prendre l'avion. Confondi quoi. Alors Muriel qui dit, non c'est Laetitia qui dit, c'est comme dans les films. Nous quittons l'Italie en voiture, il fait 39 degrés. Arrivé, super chaud. 5 heures plus tard, nous arrivons en Suisse et là, 11 degrés, la pluie, le vent, orage. Histoire de nous mettre directement dans le bain, on a rigolé avec mon mari car on s'est cru dans le film Les Ch'tis. Oui, c'est un peu ça. Avec le mur de pluie qui tombe dessus à un moment. Et alors Heidi qui dit, nous sommes arrivés en retard pour l'avion, donc nous sommes rentrés les derniers. Moi, mon mari, mon fils de 1 an, du coup, tout le monde nous a regardé et mon fils n'a rien trouvé de mieux que de faire signe et dire bonjour à tout le monde. Alors ça a mis de l'ambiance, évidemment, donc tout le monde était pour les rire. Oui. C'est un truc qui finit plus ou moins bien. Et puis Maureen aussi, VDM pas chouette, cet été, ça s'est passé, nous avons raté notre vol New York-Bruxelles. Nous avons donc dû prendre 2 autres vols pour rentrer à Bruxelles plus tard que prévu. Une fois arrivés, pas de valise, on les a récupérés 1 semaine plus tard, toutes les 2 cassées, oh là là. Alors qu'elles étaient toutes nouvelles. Quoi. Ça c'est un peu ralent. Good, oui, ça c'est moins feel good. Ouais, ouais, ouais. Pour revenir sur l'hôtel, il y a 2 jours avec Maria, je vois encore la dame qui demande à sa responsable qu'est-ce qu'on fait. Elle n'a pas de carte d'identité, elle n'a pas de papier. La responsable qui regarde Maria, qui soupire et qui fait prend une photocopie de sa carte de banque et puis qu'elle note ses coordonnées, quoi. Voilà, tu vois. Elle avait l'air désespérée. Les gens sont dépités. Hier, je vais à la pharmacie et alors j'étais intéressée par un petit flacon. Je prends le flacon par le bouchon et le flacon en retombe. Je suis super mal. Et j'ai dit, excusez-moi, je suis maladroite. Mais oui, je sais, c'est votre réputation. Hein. Elle m'a précédée, tout va bien. Bien, 7h52, on peut continuer à réagir, bien entendu. Ça se passe sur la page Facebook du Good Morning ou par SMS 66 91. Oui, heureusement que je suis là. Hein. Retour de vacances. Dimaro. Maro. Tiens, c'est Dimaro Pegasus maintenant. C'est pas Asie. Non. Je comprends rien. Mais moi non plus. There are nights when the world is asleep and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left on all the loves and places? On every sheet I signed my name. Would I do the same if this was my last? I won't give.

Bonjour tout le monde, c'est Radio Contact, le Good Morning. Morning. Morning. On est en direct. Morning. Oui, on est en direct, les amis. On est, ensemble jusqu'à 10h. Tout va bien, on est tranquille, on est à l'aise. Ouais, c'est jour de reprise en studio. On a eu quoi tout à l'heure? On a eu Pablo Andrés, ça faisait plaisir de le retrouver. C'était Martin Luthier le roi. Oui. Vous l'avez loupé, bah rendez-vous tout à l'heure à 9h40. On parle des VDM. VDM, évidemment. VDM vacances. VDM vacances. Vous ne pouvez pas revenir sans. Alors, non. Maria qui loupe son avion. Enfin, qui loupe son avion. Non, pas vraiment. C'est l'avion qui m'a loupé. C'est plutôt l'avion qui t'a loupé. Ouais, pas de chance, pas de chance. Maria qui arrive à l'hôtel, qui n'a pas ses papiers, qui n'a pas de carte d'identité. Parce que le mauvais sac. Et donc, la dame soupire, elle dit bon, ben voilà, on va faire avec. Enfin, on va faire sans. Oh, c'est terrible. Oui. Ah non, je suis pénible. Je le concède, je vous le concède, je suis pénible. Ça doit être terrible de vivre avec moi. Alors, ça doit être horrible. On l'a dit à tous ceux qui étaient là à Liège et à Charleroi ce dimanche pour la rentrée de Radio Contact. Les vacances ne font que commencer. Oui. C'est la rentrée, mais les vacances commencent. On vous parlera par exemple de la semaine prochaine. On aura l'occasion de vous offrir des city trips. Ça, c'est cool. Hein. Ça va être vachement bien. On en parlera dans les prochaines minutes. Tout à l'heure également, un jeu. File-moi une lettre. Oh, c'est cool ça. Ce sera 8h40. Comment je suis, je fais bien le public. Maria Cinéma. 8h50, le retour de Patricia Milis. Pour votre horoscope. Et puis bien sûr, le tout assaisonné de bonne musique avec par exemple du Navi, du Lucas Graham, du Gnash, du Maître Gims et Sia. Et ça aussi. Ah, Kid Noise. L'homme singe. Avec Ocean. Bébé. Alors, la météo aujourd'hui, et comme tu le disais, l'été continue. Alors, il fera à nouveau plus chaud. Les vacances, oui. Il fera à nouveau plus chaud. Bah, l'été aussi. Hein. Il fera donc plus chaud. Avec des... Bon, c'est dingue, ça fait 48 heures et j'en ai déjà marre. Non, je rigole, hein, je vous adore. Alors, il fera à nouveau plus chaud. Donc, je disais, avec des maxima autour de 20 degrés en Ardennes, 22 degrés à la mer, 23, 25 dans les autres régions. Donc, il fera beau, il fera chaud. Le Good Morning de 6h à 10h. Radio Contact. Part of ocean, I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed a door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. We'll be right back.

than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. Better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Shawn Mendes sur Radio Contact avec Treat You Better. C'est des bonnes basses, hein. L'infotrafic. Aurélie, on t'écoute. Alors, il y a un chantier, un nouveau chantier mobile sur le R3 de Charleroi, donc le Grand Ring. Il y a des files entre Épinay et Solémont. Patience, le chantier devrait se terminer vers 16h30 aujourd'hui. Plus loin, il y a un soulèvement de la chaussée à Gouy-les-Piétons. Une voie est fermée, il y a des files peu après Forchy-la-Marche. De plus en plus de monde vers Bruxelles ce matin, comptez 30 minutes de plus sur la E40, depuis Alost en venant de Gand, depuis Asserode en venant de Liège, 20 minutes depuis Auvray sur la E411, et les deux tronçons engorgés ce matin sont le ring de Bruxelles, de Mont-Saint-Jean à Groenendaal vers le Carrefour Léonard et de Grand-Bigard à Villevorde-Wertheveren. Merci Aurélie. Soyez patient, prudent, bonne route. C'est pas qu'il ne sait rien faire d'autre. Allô ? Mais au standard, c'est le meilleur. Ne quittez pas ! Oui, depuis le centre des appels du Good Morning. On est là. Oui, j'y sais. 8h18, on vous écoute. Oui, j'appelle parce qu'on a beaucoup de réactions sur la VDM de Marine des Vacances. Je viens d'avoir Diego, son fils, au téléphone. Ouais. Alors, il a une bonne grosse VDM, un truc à pourrir ses vacances. Quoi. Ah, laquelle ? Bah, il est parti avec sa mère. Mais putain, ça me fait vraiment rire, en fait. C'est hyper méchant. Et le pire, c'est que Diego écoute, il rit aussi, tu vois. C'est ça qui est horrible. C'est ça que vous étiez en train de préparer tous les deux tout à l'heure. Mais vous êtes vraiment... J'ai depuis le centre des appels à vous, Europe Assistance. Qu'est-ce qu'on a ri au bureau avec ça. Retrouvez les meilleurs moments du Good Morning sur radiocontact.be. Ah, c'est bon, ça c'est bon. Dis, c'est une spéciale Spice Girls aujourd'hui. Spice oui, Girls, ex. Ouais. Tout à l'heure, Mélanie C, Never Be The Same Again. Et là, Jerry Halliwell. Ça pue des hommes. It's Raining Men. Ouais. It's Raining Men. 8h passées de 20 minutes, c'est Radio Contact, le Good Morning, et tout va bien.

Pour preuve, des enfants ont été invités à regarder des objets imaginaires et à apprendre leur définition. Après, les uns ont fait une sieste d'une heure et demie, les autres pas. Philippe Peigneux, directeur de recherche. On sait que normalement, quand on fait un nouvel apprentissage, ces apprentissages sont stockés dans une région de notre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et ensuite, avec le temps, l'information se transfère progressivement vers d'autres régions du cerveau, ce qui lui permet d'être plus durablement stocké. Ici, ce qu'on a vu chez l'enfant, c'est qu'après une heure et demie de sieste, le processus s'est déjà entamé. L'information passe donc plus rapidement de la mémoire à court terme à celle à long terme. Et cet effet serait plus prononcé chez les enfants que chez les adultes. Chez l'enfant, il y a beaucoup plus de sommeil, un sommeil plus profond aussi, donc qui probablement qualitativement supporte mieux également l'intégration d'apprentissage. Pour lui, donner l'opportunité aux enfants de faire une sieste à l'école serait parfait. Comment le petit Anthony est tombé dans la Sambre avant de se noyer? Une enquête est en cours pour répondre à cette question. Une instruction a été ouverte pour homicide involontaire par défaut de prévoyance. Le corps sans vie de l'enfant de 8 ans a été repêché hier après-midi. Il était tombé samedi soir d'un bateau de plaisance à l'Aube. C'est l'une des journées les plus chargées de ces dernières années en Méditerranée. 6500 migrants ont été secourus hier au large de la Libye par les gardes-côtes italiens. Et au vu des conditions météo, ces derniers redoutent une nouvelle affluence record aujourd'hui. Le TTIP a du plomb dans l'aile. Le TTIP, c'est le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, un traité en pleine négociation actuellement. Mais on l'apprend ce matin, le gouvernement français va demander à la Commission européenne d'arrêter ces discussions. La France estime que les Américains ne font que de faibles concessions et que les relations ne sont pas bonnes. L'ère Roberto Martinez a commencé premier entraînement des Diables Rouges hier après-midi à Nerpède, sous les ordres de leur nouveau sélectionneur. Ils ont posé pour la photo d'équipe et fait connaissance avec leur nouveau staff. Une personne attirait tous les regards, c'est Thierry Henry, l'ancien attaquant et nouvel adjoint, un grand nom du football qui impressionne aussi les joueurs. Steven Defour. C'est quelqu'un qui est mondialement connu, tout le monde le respecte et qui vient travailler dans le staff ou de ton équipe nationale, ça fait plaisir. Pour les attaquants, ça doit être une expérience unique. C'est quelqu'un qui sait comment gagner des trophées. Et c'est ça qui peut être très important, qui sait comment fonctionne une groupe qui gagne, qui gagne beaucoup de trophées. Donc il peut nous donner cette expérience. Et les Diables qui s'entraînent à nouveau à 11h à huis clos. Des terrains de football au cours de tennis pour le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open. Trois Belges disputent le premier tour aujourd'hui. Flipkens face à la Roumaine Alep, Wickmeyer contre l'Allemande George et Goffin opposé à l'Américain Donaldson. Élimination hier de Mertens et Van Uytvanck. Qualification par contre pour le deuxième tour de Steve Darcy. Parfait pour les étudiants. Un PC portable qui se transforme en tablette. On peut aussi y jouer ou regarder des films. Et avec le stylet, on prend des notes sur la tablette. Chez Vandenborg. Alors j'écoute du Miles Davis. 8h passé de 34 minutes, Navi écoute du Miles Davis. Et nous, on écoutera Navi dans les prochaines secondes. Ce sera juste après la météo. Un ciel bleu et ensoleillé aujourd'hui. Quelques nuages par endroit, mais ils seront inoffensifs. Les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés. Même type de temps. Demain, ensoleillé et sec. Merci beaucoup Nathanaël. Rendez-vous dans une heure si tu veux bien. À tout à l'heure. Avant 9h sur Radio Contact, on va jouer. Il y aura du cadeau pour vous. Et puis l'horoscope signé Patricia Milis. Puisqu'on ne sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tiens qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. en fond Airbnb coq. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime, qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige du supplice, puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige du supplice, puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale se fanent les chrysanthèmes, se fanent tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis des supplices, puis on se lasse. Il est français, il a 21 ans, il est tout jeune. Navi sur Radio Contact, j'écoute du Miles Davis. Ah bah il a bien fait. Il a bien fait. Il a bien fait. Salut, c'est la machine. Ouais. Mais que je suis content de vous retrouver. Les gens. Nous aussi, nous aussi. Ah la canicule, la canicule. Que vous êtes contente car vous êtes une machine. D'accord, Maria Del Rio en forme, hein, on peut l'applaudir quand même. Bravo, mais, bravo, non mais attends. Bravo, c'est bien. Bravo, c'est vrai. Oui, bien c'est sûr. Vrai. Bon les amis, on va jouer à file-moi, file-moi la patate. Non, c'est un nouveau jeu. Hein? Jingle. File-moi une lettre. File-moi une lettre. Acteur studio. Acteur studio. On l'avait répété avant. Je suis étonné. File-moi une lettre. Ah, je connais celle de Gary. Hein. C'est le M évidemment. Le principe, une lettre sera choisie. Avec cette lettre, l'auditeur candidat devra donner des mots qui commencent avec cette lettre. C'est le jeu des villes, pays, objets, oui, tout le monde connaît. Ville, en fait, ouais. Alors, je donnerai 10 thèmes et en 30 secondes, l'auditeur devra trouver au moins 5 mots pour gagner son cadeau. D'accord, ok. What's the cadeau? Le cadeau, alors on va vous offrir 200 euros au terme de Grimbergen. Ah, pas mal. Petite relaxation, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est pas mal ça. La machine. C'est vendu. Allez hop là. Génial. Allez, si vous voulez jouer avec nous, 66 91, on dit quoi? On cadeau. Envoie bon, cadeau tout simplement. Oui, cadeau, c'est bon ça. Je 66, vous attends. 91, 55 centimes par message envoyé ou reçu. Bonne chance, Lucas Graham sur Radio Contact avec Mama Said. C'est tout de suite. Et puis tout à l'heure, on aura par exemple Adèle. J'aime beaucoup Adèle. Send j'adore, my love to you. Vous l'aimez aussi? Ah oui, Adèle. Puis alors, Cocoon, très bon Cocoon. I can't wait. Ça, j'aime moins. Mais j'ai pourri. A tout de suite, la machine. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids and daddy told us never listen to place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, ils nous viennent du Danemark, le groupe Lucas Graham, c'était Mama Said sur Radio Contact. L'infotrafic. Aurélie, et on soutient Aurélie parce qu'elle a fort mal de gorge, alors c'est pas évident. Oui. En même temps, elle était toute nue hier à Spa, elle s'est roulée par terre, c'était chouette. Du coup, j'ai attrapé froid. Voilà. Alors, il y a un nouveau chantier mobile sur le R3 de Charleroi, on parle ici du Grand Ring. Donc il y a des fils entre Épinay et Soleil-Mont, patience, il devrait prendre fin vers 16h30. Plus loin, il y a un soulèvement de chaussée à Gouy-les-Piétons, il y a une voie fermée, il y a des fils peu après Forchy-la-Marche. Il y a du monde vers Bruxelles, vous devez compter 30 minutes de plus sur la E40, depuis Alost en venant de Gand, depuis Asserode en venant de Liège, 20 minutes depuis Auvray sur la E411. Et puis ce matin, les deux tronçons engorgés sur le ring de Bruxelles, c'est de Mont-Saint-Jean à Groenendaal vers le Carrefour Léonard et le Grand Bigard à Villevorde vers Tervuren. Il y a un tronçon engorgé dans ta gorge. Merci beaucoup Aurélie. Patience, prudence et bonne route. Ah, elle sait toujours pas elle. Non. Elle hésite. Nash, I hate you, I love you. File-moi une lettre. C'est comme toi avec les chaussures, tu vois, elle hésite. Ah, I love you, je la prends pas. Prends les deux du coup. Allez, je prends les deux, ouais. Voilà. Ça va la machine? Ça va très bien les amis, est-ce qu'on a un candidat ou une candidate? Absolument. Christophe. Bonjour oui. Christophe. Bonjour. Bienvenue. Ben, merci. Ben voilà, tu es d'où, tu fais quoi Christophe? Pardon? Tu es d'où et tu fais quoi? Je viens de Dour et je cherche de l'emploi dans le bâtiment. Très bien. Dans le bâtiment, ok. Du côté de Dour, le message est passé. Si jamais, hein, vous recherchez quelqu'un, voilà, vous cherchez quelqu'un, n'hésitez pas. Il est là, il est dispo, il est motivé. Bonjour et Christophe. Ouais. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on rappelle le cadeau pour Christophe s'il gagne. Alors 200 euros au terme de Grimbergen. On joue donc à file-moi une lettre, Christophe, la lettre du jour. Attention, la voici. Ouais. M. Oh là là, les effets spéciaux, on a gros budget. C'est pas possible. Gros budget. La lettre M. Je suis impressionné, quoi. C'est. M comme Maria, Christophe. T'as compris le principe? D'accord. M comme Maria. Le principe, c'est... Donc il va te demander chaque fois le nom d'un pays, d'une ville ou quoi que ce soit. Et voilà. Tu devras dire la ville ou le pays qui commence par M. D'accord. Okay, parfait, ouais. Je donne 10 thèmes. Et en 30 secondes, Christophe, tu devras trouver au moins 5 mots qui commencent par la lettre M pour gagner ton cadeau. Est-ce que tu es prêt, Christophe? Attention. Hein. Je suis prêt. 5 mots qui commencent par M. Oui. Attention, top chrono, c'est parti. Une ville. Marienbourg. Marienbourg, ouais. Oui. Ouais, ouais. Un sport. Le marathon. Oui, ouais. Deux. Ouais. Encore un sport. Oh. De la moto. Oui. Ouais. Wow. Une série télé. On est à trois déjà. Miami Vice. Oui. Ouais. Encore un métier. Maçon. Oui. Ouais. Attends, mais t'es balèze! On s'y est mis à 4 ah oui. Là pour en trouver 3. En antenne, on essayait, oui. On trouvait rien, nous. Donc, voilà. Allez, bravo Christophe! Bravo, on peut l'applaudir! Mais bravo! Comme merci, quoi! Merci. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir aller te faire du bien avec ta douce au terme de Grimbergen. Ah, mais ça va nous faire du bien, on en a besoin. Et je trouve que comme il a été excellent, on pourrait rajouter 4 places de cinéma. Oui, voilà. Allez, c'est cadeau, 4 places de cinéma. Bam! Il y a mon fils à côté qui lève ses bras, il est content. Voilà. Ça nous fait plaisir. Il s'appelle comment?

Nadine revient bientôt de vacances, qu'on lui souhaite d'ailleurs excellente. À 9h passé de 8 minutes, on s'écoute donc le meilleur de Géraldine sur Radio Contact. La chronique de Géraldine. Attendez, je vois. Géraldine ! Ah, mais coquine nous, il lit dans moi comme dans un carnet ouvert. Là, quelle folle je fais ce matin. Bonjour Maria, bonjour Olivier. Salut, Poupoune. Arrêtez, Poupoune, madame, que c'est grosse. Figurez-vous que c'est derrière. Oui, que c'est grosse. Figurez-vous que ces derniers temps, je me sentais un peu perdue, égarée dans ma vie. Oui, je n'ai aucune honte à en parler, car nous avons tous nos hauts et nos bas. Ouais. Et même vous, Maria, parfois, ouais, vous avez une tête de déterré cadavérique. Bah, aujourd'hui, par exemple. Des photos. Et vous, Olivier, derrière vos vitres teintées, parfois, ouais, on sent le désarroi de votre univers intérieur en perdition. Et donc, de mon côté, un soir, j'étais assise dans mon grand canapé de dinde blanc, retourné dans ma superbe demeure de Lasne, à broyer du noir, lorsque tout d'un coup, telle une voix impénétrable du Seigneur qui pénètre tout de même mes oreilles, j'entends une voix venant de la télé que j'avais laissée en fond sonore, une voix qui disait ceci. J'ai la réponse à votre avenir sentimental, financier ou professionnel. Appelez-moi. Ce fut le voyant des stars, la star des voyants. Oui, mais je relevais la tête et découvris ce charmant bonhomme, Dominique Lehmann. Et je me jeta directement sur mon téléphone. Mais Maria, le combiné en main, j'étais stressée comme un bovin sur une chaîne d'abattage mécanique et industriel. En effet, j'allais exposer mes malheurs au beau et joufflu Dominique Lehmann. Bon, tout d'abord, j'ai appelé avec mon téléphone et je tombais sur une voix enregistrée de Dominique me souhaitant la bienvenue et m'annonçant de sa voix douce et zazotante le prix de ma consultation. Oui, il mérite de demander quand même cher, l'animal. Mais enfin, entre nous, Olivier, l'argent n'est pas un problème. Et surtout, si Dominique pouvait m'aider à retrouver le moral, qu'il fasse donc glisser ma golden, que diable. Mais chut, déjà ça sonnait dans le combiné. Allô, Dominique Lehmann, voyance agency, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir votre date de naissance, madame? Monsieur Lehmann, c'est vous? Non, madame, ici Irma Boulard, votre date de naissance, s'il vous plaît. Mais Maria, mais je n'en revenais pas. Ouais? Que faisait cette madame Boulard à la place de Dominique? Madame, j'aimerais vraiment parler à Dominique Lehmann, j'ai de gros problèmes. Et je voudrais qu'il me fasse les lignes de la main. Madame, nous sommes une sous-traitance de Dominique Lehmann Corporation pour la Belgique. Votre date de naissance, s'il vous plaît. En guise de réponse, Maria et Olivier, j'ai raccroché mon combiné téléphonique. Non, mais fallait quand même pas prendre GG pour une vieille vessie de porc en guise de lanterne, quand même. Qu'est-ce que c'est que Madame Boulard était... Non, qu'est-ce que c'est que cette arnaque orchestrée par ce bonhomme Lehmann? D'ailleurs, j'aimerais adresser un message personnel à ce monsieur Lehmann. Je vous préviens, mon petit bonhomme, si mon compte en banque a été débité pour qu'une pseudo-voyante, Irma, m'annonce dans sa grosse boule que vous ne travaillez pas à ce numéro, eh bien, monsieur Lehmann, prenez donc votre tarot de cartes pour connaître le fond à penser. Oh. Sur ce, je vais aller lire mon horoscope dans le ciné-télé-revue. Ça coûte moins cher et c'est plus efficace. Bonne journée à tous. Merci Patricia, c'était bon de la réentendre. Hop, Géraldine. C'est pas vrai quoi. Géraldine. Oh là là là là là là là. Cocoon arrive, I can't wait sur Radio Contact. Bah ouais, le rythme de la course était fort, il s'était échappé là, mais... Bon alors après, on a réagi, hein, et hop, et toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo, et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Investir autrement, c'est partager nos connaissances avec vous. Dans la vie, il y a des moments où il faut s'entourer d'un expert, d'un architecte pour construire sa maison, d'un médecin quand on est malade. C'est pareil en investissement. Chez Béobank, nos experts vous conseillent dans un langage clair et transparent. Ainsi, vous bénéficiez des stratégies des spécialistes sans avoir à en devenir un. C'est notre engagement numéro 2. Partagez avec vous nos connaissances pour améliorer vos performances. Rendez-vous dans une agence Béobank ou sur investirautrement.be. Béobank, vous êtes bien entouré. À la radio, le message doit être clair et concis. Alors, Pizza Hut, mardi malin, 5,95€ pour une pizza médium à emporter. Bon, très bien. Mais t'as encore 3 secondes, hein? Ouais, pas de problème. Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut. Ça, c'est parfait. Pizza Hut. Avec vous, Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre Hole in One est disponible pour moins de 15 balles. 14,99€ par mois, pour être précis. Vous allez dire, mais non. Mais si! Alors pour en profiter et ne pas être hors jeu, allez vite vous renseigner dans une boutique Vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir Vous Sport World. Offre soumise à condition. Rangez votre... Bah oui, les vacances c'est fini. Ah, bah c'est pas trop tôt. Maria et Olivier sont de retour sur Radio Contact. Strawberries, chantilly cream, gingerbread for every meal. Chili dogs, a soccer team running up and down the hill. We won't care about the winter. We won't care what the neighbors say. We'll sing all the time. I can't wait to see the summer turn to fall. Pies, sexy mommy, small guitars, sugar daddy, lullabies, sleepy Yuki, the perfect place to be. We won't care about the winter, we won't care what the neighbors say, we'll sing all the time. I can't wait to see the silver turn to gold. I can't wait. Radio Contact, comme ça on va déjà les mettre. L'info trafic. Avec Aurélie. Alors, ce matin, il y a deux tronçons encombrés sur le ring de Bruxelles, de Mont-Saint-Jean à Tervuren vers Zaventem. Dans l'autre sens de Grand-Bigard à Vilvoorde vers Tervuren. Vers Bruxelles, il y a des files depuis Overest sur la E411 et puis pour quitter Arken sur la E19 vers Mons, sur la E429 avant Quin. Et puis du coup, il y a des répercussions sur la E42 qui vient de Mons peu avant l'échangeur de Tournai. Merci Uri. Patience, prudence, bonne route. Alors, on s'est lancé sur les imitations. On s'est lancé sur les imitations. On vous a proposé de vous inscrire. Est-ce qu'on a reçu des inscriptions, Maria? Oui, d'abord, on a reçu un message. Je vais quand même le lire, le message d'Antoine qui dit « Moi, si je viens en retard à l'émission sur les sosies, est-ce que c'est une bonne imitation de Maria ?» Très bon, bravo. Comment s'appelle-t-il, Antoine? Bravo Antoine, bravo. Alors oui, on a reçu plusieurs messages et Lennon a répondu à notre appel. Lennon de Charleroi. Bonjour Lennon. Bonjour Maria, bonjour à tous. Salut Lennon. Bienvenue Lennon. Tu es de Charleroi donc? C'est ça, oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis merchandiser. Tu es? Merchandiser. Ah, d'accord. Merchandiser. Okay. Et tu as quel âge? Ah oui. Alors, j'ai 21 ans. D'accord, très bien. Et donc, tu es imitateur à tes heures? Voilà, quand je m'ennuie, j'imite un peu. Et t'imites quoi? Qui? Alors, je sais imiter une ou deux phrases de Jean-Marc, de Jeff Panaclock, là. Ah oui. Et qui d'autre? Et eh ben vas-y, vas-y pour les deux. Démarre avec Jean-Marc, vas-y. Alors, Jean-Marc, ça fait un peu... Tu te calmes, Martine. C'est pas mal. C'est une toute petite phrase, hein, si je peux me permettre. Oui, tu peux la refaire? Tu peux la refaire? Tu te calmes, Martine. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est que Gary, il s'en sort bien aussi. Vas-y. Ah, il est content, il est content. Ah, il est content. Eh, hey, hey, franchement, je veux pas dire les notes, mais sur ce coup-là, il la tient bien quand même. Hein. Il a fait sa blague de merde. Excellent, il le tient aussi. Le duo de Jean-Marc ici. Et alors, Homer Simpson, évidemment. Alors. Oh, punaise, il y a plus de notes. Tu fais des mini-phrases. Oui, c'est des mini-phrases. Ah, mais j'essaie de dire autre chose, hein. Vas-y. Oh, punaise, Marge. Oh, punaise, Jean-Bert. Dis un peu, j'écoute le Good Morning tous les matins en version Homer. Oh, punaise, j'écoute le Good Morning tous les matins. Ah, c'est bien. Ouais, il était bien. Bravo. On sait dorénavant que si jamais tu fais un spectacle, c'est un spectacle, je crois, 6 minutes, 6-7 minutes. Ouais, plus, ouais. Merci en tout cas, c'était top. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut les nonnes. Et alors, il y a Gilles. Comment dis-tu? Au revoir, merci. Ah oui, ok, ben voilà. Au revoir, merci, comme au magasin. Au revoir et merci. Au revoir, bonne journée. Il y a Gilles de Herculine aussi. Bonjour, Gilles. Bonjour. Salut, Gilles. Tu fais quoi, toi, dans la vie, Gilles? Ben, je suis conducteur de bus et là, je suis en train de conduire mon bus, d'ailleurs. Ah, magnifique. Ah. Donc, tu vas faire ton imitation en conduisant ton bus. Génial. Et tu imites qui, toi? Moi, j'imite notamment Tartatin. Qui ça? J'ai trop envie de Tartatin, mais je me dis que ça doit pas être ça. Ok, et donc tu parles tout seul. C'est ça ta spécialité. Non, mais il imite déjà, mais on sait pas qui. Qui? Il imite Renaud. Ah, c'était Renaud. Excuse-moi. Alors, on n'a pas bien entendu. Vas-y. Voilà, on te laisse, on va couper la musique, on va laisser imiter Renaud. Vas-y. Oui, bonjour, Renaud. Je suis content de participer. On perd Gary, là. Alors. Gilles, c'était pas mal, c'était inventif. Gilles, c'est magnifique cette imitation de Renaud. Attends, tu peux refaire quoi? C'est bon. Attends. Ah, c'est ça? C'est pour ça que j'avais compris que Tartatin, en fait. Oui, c'était Tartatin. Dis, Gilles, n'abandonne pas tout de suite ton boulot de chauffeur de bus. Hein. Un conseil que je te donne. Gilles, tu nous as fait rire, sincèrement. Tu nous as fait rire. Il y a quelqu'un d'autre que tu imites? Je peux vous faire Gollum, par exemple, Gollum. Qu'est-ce que tu dis? Gollum? Mais mince, quoi. Oui, vas-y. Ah, c'est parce qu'il dit non en imitant. Mais oui. C'est qui, Gollum? Bah, c'est Harry Potter. Harry non, Potter. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Attends, elle fait une Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de quoi? Oh, oh. Vas-y, on t'écoute, Gollum. Attends, d'accord. Le type, il fait ça en conduisant son bus, c'est quand même surréaliste. Tu as le petit sac pour vomir? Non, c'est super drôle, merci beaucoup Gilles. On t'embrasse Gilles, patience, prudence et bonne route. Merci d'avoir joué le jeu Gilles. Salut Gilles, ciao. 9h21, un franc succès en tout cas. Hein. Ah, là, de toutes belles imitations. Hein. Ça m'a fait rire. Alex Germis arrive avec Sweet Afterglow. Oh là là. C'est pour atteindre le Contact News de 9h30 sur Radio Contact. C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jetair Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. L'auto présente le mois de Wout, le dénouement. La dernière semaine avant septembre. Le dernier tirage avec 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Basic Fit, c'est beaucoup plus que biceps et six-max. C'est surtout se sentir bien. Et pour seulement 19,99€ par mois. Deviens membre maintenant, fais du sport gratuitement jusqu'au 1er octobre et reçois un sac de sport. I feel Basic Fit. Radio Contact. Feel good. Let's move and gay and get it on. I'm feeling so good.

Au deuxième tour, Darcy sera opposé à l'Américain John Isner. Elise Mertens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées. Trois autres Belges seront sur les cours aujourd'hui pour ce premier tour. Goffin, Flipkens et Wickmeyer. Les Diables Rouges s'entraînent à 11h à huis clos à Nerpède. Marwan Fellaini est le seul point d'interrogation du coach. Avant la rencontre amicale de jeudi face à l'Espagne, le joueur de Manchester United souffre du dos. Enfin, les fans d'Apple ont coché la date. Le 7 septembre, le groupe informatique américain a envoyé ses traditionnelles invitations pour une nouvelle présentation de produits, invitation qui, comme toujours, reste mystérieuse. La marque devrait notamment dévoiler un nouveau modèle d'iPhone. Parfait pour toute la famille. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Un portable avec clavier pour le travail, une tablette avec écran tactile pour la maison. Chez Vandenborg. 9h passées de 33 minutes, on fait le point sur la météo. Je sens le soleil qui me réchauffe la nuque. Oui, et du soleil. Ah, et... c'est pas le soleil. c'était non, pas censé aller plus loin. La blague n'était pas censée aller plus loin. Parce que ça va être d'autres. Vas-y, Nathanaël. Bon, en tout cas, le soleil réchauffe tout le monde aujourd'hui. Ah, voilà, il fera plus chaud avec des maxima compris entre 20 et 25 degrés. Du soleil, donc, un ciel bleu, quelques nuages, mais ils seront juste décoratifs. Demain, le temps restera ensoleillé. Et sec. Merci Nathanaël. Avec plaisir. Dis, on se retrouve demain matin. Évidemment, quel avec grand bonheur. Plaisir. C'est toi le soleil. Mais non, c'est toi le soleil. Ah, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est, non, toi. C'est toi. Nous, c'est on toi. A deux soleils. On a deux soleils dans la vie. Ouais. Non, mais c'est quand même plus elle que moi. Oh non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. 9h34 dans la suite. Pablo Andrés, évidemment. Maratin, Luthier Leroy. Et pour aller jusque-là, on se souviendra de son interview. C'était très sympa. Elle était très chouette. Je pense que Gaëtan Bartos était tombé amoureux. C'était au Ranker Festival. Zazie avec un souvenir de 96. Zen. Le Good Morning de 6h à 10h. La canard dans le café. J'ai du mal à digérer parfois tous les papiers mâchés qui se prennent à mon filet de voix. Pauvre pêcheur, enfin, fallait lire entre mes lignes. Pas mordre à mes os de tumeur, même si je n'en suis pas digne. Fallait rester zen, soyons zen. Du sang froid dans les veines, soyons zen. Plus de choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la scène. Sans amour, sans haine. J'suis pas dans le vent des guignols, de ces joueurs en fond de cour, de ceux qui, pour un petit bout d'atole, sont prêts à larguer les amours. Qui manque de coffre et de cœur. C'est facile de compter les erreurs quand on ne joue pas la scène. Mais l'erreur est humaine, soyons zen. Du sang froid dans les veines, soyons zen. Plus de choc à la chaîne, zen, restons zen. Calme à la vie comme à la scène. Sans amour, sans haine. Zen, zen. Zen, zen. Zen, restons zen. Zen.

Maria a toujours autant de mal avec les annonces de disques. Aïe, aïe, aïe. Elle a dû se tromper de ligne, faut dire que c'est écrit tellement petit. Écoutez. Avec David Guetta et Zara Larsson. This is the way you move. C'est-à-dire, this one's for you. C'est pas mal non plus comme ça. C'est la mieux. Oh là là là là. And the number one. Numéro 1. Et pour finir, Olivier a vu de la brume ce matin, mais ce n'était peut-être pas de la brume finalement. Écoutez. Il y avait de la brume ce matin quand je suis parti. Ouais. Et alors c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle flottait à 2 mètres du sol comme ça, tu vois. Et j'avais l'impression de passer en dessous. Et puis t'as nettoyé tes lunettes et c'est parti ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bravo, bravo, à demain 6h les gars. À demain 6h. Salut, ciao, ciao. Sloane. Ah, il revient lui. Oui. Après le bip. C'est sur Radio Contact, 9h49. Bip. Te voir la partie et c'est comme ça. J'ai des frissons quand je parle de toi. Fais-moi un signe pour guider mes pas. J'attends que ça. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip. On ne se reverra pas. De panique. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Plus le temps passe, plus je pense à toi. Tant de questions que tu n'entends pas. Je sais qu'un jour on se recroisera. Ça viendra. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après bip. On se reverra pas. De panique. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. On se croisera par hasard, puis je t'emmènerai quelque part. On effacera nos mémoires. On se croisera par hasard, puis je t'emmènerai quelque part. On effacera nos mémoires après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip. On ne se reverra pas. De panique. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 9h52. Ouais. Bah, l'air de rien, ça veut dire que bah voilà, faut y aller. Hein. De nous laisser, oui, oui, de vous laisser plutôt. Ça y est. Ça va guettant. Oh, qu'est-ce que je suis content de vous revoir. C'est vrai, ça fait plaisir. Oui. Bon, on s'est déjà vu lors de la conférence de oui, presse. Oui, oui, oui, mais là, vraiment, dans le studio, tous les jours, bah, vous croiser, ça va être cool. Ça va cool. Faire plaisir. Ça fait plaisir. On revient demain, 6h-10h, sur Radio Contact pour d'accord. Les Good Morning. C'est Gaëtan Barthez qui prend le relais. Ensuite, bah, le programme habituel, ah, Justin. Et puis, toute l'équipe du 16-20, entre 16h et 20h, c'est un peu le principe, c'est le 16-20, avec David et puis Christophe. Le 16-20 qui reçoit ce vendredi de Magicienne. The Magician. The Magician. The Magician. Carlos Vaquera. Non, c'est les Belges. Ah, enfin, il est belge aussi, Carlos Vaquera, mais. Bah oui. Mais... Belgo-espagnol. C'est ça. Ouais. Comme toi. Okay. Vous connaissez bien ou... Oui, on se connaît très bien. C'est vrai. Oui, ah oui, oui, t'avais animé une émission avec lui. Oui, j'ai animé ma première apparition à la télé, c'était avec Carlos, dans Pour la gloire. Et j'étais très intimidée. T'as chanté des ralais. Ouais, tout à fait. Et puis c'était un très bon ami, voilà, très sympa, très gentille personne. C'est à quel moment qu'il a fait disparaître tes seins? Oh,